galerie, la chanson que tu m'as chantée, la chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais. Tu n'avais que 16 ans, moi j'étais encore un enfant. Et la nuit qui venait nous avait pris pour les amants. Toi, Mallory, tu chantais pour moi, le vent mêlait nos cheveux, et je ne sais plus très bien pourquoi nous avons fermé les yeux. Souviens-toi, Mallory, nous avons attendu le jour en rêvant tous les deux. Je crois bien que c'était l'amour. Où est-elle, Mallory, la chanson que tu me chantais, la chanson de l'été, dans le bleu du ciel irlandais. Le soleil se couchait en jetant de l'or dans tes yeux. On jouait pour s'aimer, mais pour toi ce n'était qu'un jeu. Oh Mallory, où est-il ce chant d'amour de l'été? Vers quel pays est parti le vent qui l'a emporté? Ta chanson, Mallory, je la garderai pour toujours, car c'était la chanson de premier amour. La la la, la la la, la la la la la la la la, car c'était la chanson d'un premier amour.